Eh bien, c'est une question fascinante. En tant que physicien théoricien, je dois avouer que je suis toujours fasciné par les nouvelles découvertes et les avancées technologiques.